avait une atmosphère dans cette rue étrange. C'était une rue, j'en étais le bouffon. Divers personnes habitaient. Venez et une côtoyer Isabelle. Jean-Louis, Damon, Benjamin et bien d'autres. Dans toute nationalité, nos émissions glissant dans la rue en apesanteur. Je lui avais montré qu'en sautant et en faisant la planche, il y avait un temps mort où l'on flottait dans les airs tout en descendant, et j'avais un genre de pièce à moi, à l'arrière du devant d'un resto où les célébrités se côtoyaient, posaient leurs bagages. Il se passait toujours quelque chose, et ce jour-là, en ouvrant un placard, nous vîmes avec Jean un oldambure, un genre de bouquin magique. Comme un poète sou qui mélange comme les rêves des histoires jamais méchantes, mais aller où le réel ne peut aller, et ce qui était venait comme des vacanciers une fois de temps à autre, quand le réel prenait trop dessus sur la créativité, quand l'inspiration était perturbée par le quotidien devenu pesant. Beaucoup de peintres, musiciens et écrivains se côtoyaient et venaient de moi, voulaient de moi leur moment à eux, mais aussi ensemble, certains créaient un une part d'eux, entre eux, d'où la vie réelle. Les œuvres de certains faisaient surgir la même énergie, aller dans le même sens de ce non-temps. Ce non-temps. On pourrait dire qu'il faisait un cimier. Un séminaire, il faisait un séminaire, voilà, c'est ça. C'est ça. On pouvait dire qu'il faisait un séminaire ensemble de l'irréel. Comme disait Bajoug, un jour j'irai vers l'irréel, c'était ici. Moi, la question en ce moment était pourquoi un haletant pur se tenait là. Ainsi cette journée qui avait bien pu l'amener, bien commencer avec Isabelle C. Je venais de côtoyer Maître Alain.